الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها المؤمنون، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه يقول: عجبا لأمر المؤمن، يتعجب من حال المؤمن. وليس هذا الأمر إلا للعبد المؤمن، أي لن ينال هذا الأمر إلا من آمن قلبه بالله جل وعلا وصدق في إيمانه بالله جل وعلا. من تحقق الإيمان في قلبه يستحق أن يضاف إليه هذا الأمر من قبل الله جل وعلا، ويستحق أن يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمره ومن حاله. عجبا لأمر المؤمن، أي للمؤمن، وهذا فيه دعوة للإيمان، لأن غير المؤمن لن يحقق ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. غير المؤمن لن ينال ما يناله المؤمن من خيرات وبركات في هذا الحديث. عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، أي كل ما يصيب المسلم له خير في هذه الدنيا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار اختبار، نحن مع قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمنكم المحسن ومنكم المسيء ومنكم المقسط ومنكم البخيل ومنكم المنفق ومنكم الممسك. والله عز وجل يبتلي العبد في أحواله، والأيام بارك الله فيكم تزاحموا تراحموا les frères sur la tente بارك الله فيكم serrez-vous بارك الله فيكم avancez-vous بارك الله فيكم. فنحن في هذه الأيام، أي أيام الحياة الدنيا، نبتلى، وقد يكون الابتلاء بالخير وبالشر، قد يكون الابتلاء بالصحة وبالمرض. قد يكون الابتلاء بالشغل وبالفراغ. قد يبتلى الإنسان بالأولاد وبالأموال، وقد يبتلى بأن لا يرزقه الله ولدا ولا يرزقه مالا. فهي ابتلاءات. إذا ما صفت لك الأيام يوما، إذا ما صفت لك الأيام يوما فاعلم أن صفاءها لن يدوم. إذا ما صفت في يوم من الأيام فحالها ومدارها أنها في كبد. أن الإنسان لا بد وأن يتعب، ولا بد وأن يشقى، ولا بد وأن يبتلى. فهكذا خلق الله عز وجل هذه الدنيا. Mes chers frères, mes chers sœurs, notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, le dit: l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose qui le réjouit et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et ceci n'est que pour le croyant. Ce hadith, mes chers frères et mes chères sœurs, à travers lequel notre prophète, alayhi salatu salam, s'étonne quant à l'attitude des croyants, et cela, cette attitude ne concerne que le croyant. Ce que décrit le prophète alayhi salatu salam dans le hadith ne correspond et ne prend en considération que le croyant. Autre que le croyant ne peut en aucun cas bénéficier de ça de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est la raison pour laquelle le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi exprime son étonnement quand le croyant est face à ces différentes situations. Ce qu'il faut rappeler, mes chers frères et mes chères sœurs, que dans la vie de ce bas monde, on est dans une vie d'épreuve. On est dans une vie, on est censé, du matin au soir, être éprouvé par Allah Azza wa Jal. La loi d'Allah Azza wa Jal a fait que la personne, l'être humain dans la vie de ce bas monde, il est censé être éprouvé. Allah Azza wa Jal nous a rappelé qu'il a créé la mort et la vie pour éprouver les uns et les autres, pour savoir qui d'entre nous accomplira le bien. Donc à travers ce hadith, ça doit nous rappeler que l'être humain, quel qu'il soit, il sera amené à être éprouvé. Éprouvé par la richesse ou par la pauvreté. Éprouvé par la santé ou par la maladie. Éprouvé par le travail ou le manque de travail. Il sera du matin au soir éprouvé pour répondre de ses actes auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est une loi parmi les lois d'Allah Azza wa Jal qu'il va falloir sans cesse l'intégrer. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens auraient pensé dire nous croyons sans pour autant qu'ils soient éprouvés? Ce n'est pas le cas. À partir de l'instant où tu déclares ta foi, tu seras éprouvé. Et tu répondras de ces épreuves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه حال الدنيا أنها إذا ما أينعت نعت، وإذا ما حلت أو حلت، وإذا ما كست أو كست. فحالها أن تبتلى، وأن تبتلى بالخير والشر، ليعلم الله عز وجل منكم المحسن ومنكم المسيء. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الحث على الإيمان، وأن المؤمن دائما في خير ونعمة. المؤمن دائما في خير ونعمة. يعني من ينظر في هذا الحديث ومن يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، يعني في سرائه وفي ضرائه الكل له خير، يعلم المؤمن أنه دائما في خير وأنه دائما في نعمة، فينبغي أن يسر وينبغي أن يفرح وينبغي أن يشكر. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الإنسان إذا ما أصابه الخير وأصابته السراء وأصابته النعماء يغفل عن ذكر الله عز وجل وينسى ذكر الله جل وعلا ويتهاون عن ذكر الله جل وعلا، علما بأنه مطالب في سرائه وفي ضرائه أن يلجأ إلى مولاه وأن لا يغفل عن ذكره في السراء وفي الضراء. فلذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العبد المؤمن إن أصابته سراء، يعني ما رقص ولا غنى ولا تمايل السكران، لا، إن أصابته سراء شكر الله عز وجل، توقف وشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من قبل الله عز وجل، إن أنت شكرت الله عز وجل لك المزيد، وإن بخلت ولم تشكر الله عز وجل فلا مزيد لك. فلذلك العبد المؤمن في كل أحواله له الخير، ولا بد وأن يفرح وأن يغتنم كل فرصة من فرص الحياة حتى ينال رضوان الله جل وعلا. Donc je disais, mes chers frères et mes chères sœurs, que la première partie de ce hadith qui rappelle que l'affaire du croyant est étonnante et tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Dans cette première partie, la première leçon à tirer, c'est que on doit avoir la foi en Allah Azza wa Jalla. Parce que ces qualités que cite le prophète alayhi salatu wa salam ne seront attribuées que croyant. Autre que le croyant ne bénéficiera jamais de ces qualités. Et à travers cette première partie, on constate que le croyant, qu'il soit éprouvé par le bien ou par le mal, il vit un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça l'attitude du croyant. Il est éprouvé par le bien, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salatu wasalam ? Il remercie Allah Azza wa Jalla. Et c'est un bien pour lui. Il est éprouvé par le mal, et il fait preuve de patience. Et il est récompensé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça ne peut être que bien pour lui. Ça ne peut être que faveur pour lui. Ça ne peut être que miséricorde et clémence de la part de son Seigneur. C'est pourquoi, mes chers frères et mes chères sœurs, dans la première partie, quand notre prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, s'il lui arrive une chose qui le réjouit et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Face à des situations heureuses, face à des situations de plaisance, de joie, on est censé remercier Allah Azza wa Jal. Et pour remercier Allah Azza wa Jal, on le remercie à travers nos actes d'adoration. On ne le remercie pas en chantant, en dansant, en s'inclinant à droite ou à gauche. Non. On remercie Allah Azza wa Jal à travers les actes d'adoration. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, quand il est arrivé à Mecca, vainqueur lors de la conquête de la Mecque, Première des choses qu'il a fait une fois rentré donc à Al-Ka'ba, il a prié. Il a prié donc 8 raka'at pour remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir accordé cette victoire. Donc dans As-Sarra, dans les moments de joie, la première des choses qui doit nous interpeller, c'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est de se prosterner devant Allah Azza wa Jal. C'est de prier Allah Azza wa Jal. C'est de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, et pas l'inverse. وأيضا في الحديث أيها الإخوة الكرام الحث على الصبر على الضراء الحث على الصبر في الضراء الإنسان إذا ابتلي بما يكره عليه أن يصبر وأن يعلم أن ذلك من خصال المؤمنين وإذا رأيت نفسك في حالات الضر وأنت صابر محتسب هذا الأمر لله جل وعلا فقد تحقق الإيمان في قلبك علامة من علامات الإيمان كم منا حينما يصاب في نفسه أو يصاب في أهله أو يصاب في ولده يكفر ويسب ويشتم ويغضب تكفر بمن وتشتم من وتعصي من فمن الخاسر ومن الرابح من المعطي ومن المانع فلذلك العاقل حينما يصاب بضر عليه أن يصبر عليه أن يصبر والصبر نصف الإيمان وأجر الصابرين عند الله عز وجل بغير حساب فلا بد أن تصبر في الضراء وصبرك عنوان لإيمانك إن كنت فعلا صابرا فهذا الصبر يدل على إيمانك إن لم تصبر فهذا دليل على قلة إيمانك بالله جل وعلا Donc je disais mes chers frères et mes chers sœurs et quand le serviteur lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et ceci n'est que pour le croyant. Quand donc le croyant il est frappé par un mal, je dis le bien comme le mal ne sortent pas de ce cadre d'épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais souvent on accorde plus d'importance au mal qu'au bien. Donc quand l'être humain est éprouvé par le mal, il doit faire preuve de patience. Et faire preuve de patience dans ce cas bien précis montre à quel point l'être humain il a de la foi en Allah Azza wa Jal ou il lui manque de la foi en Allah Azza wa Jal. Plus le serviteur dans des situations critiques, difficiles, fait preuve de patience, d'endurance et demande à Allah Azza wa Jal, plus cela montre qu'il a la foi en lui subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on est éprouvé par le mal, que ce soit dans sa propre santé, quand on est éprouvé par la perte d'un cher à lui, quand on est éprouvé par une séparation ou par autre, les gens toujours se mettent en colère, perdent patience, critiquent, blâment, voire même prononcent des paroles de mécréance. Et cela pourquoi? Cela, c'est le manque de foi. Plus on a la foi d'Allah Azza wa Jal, plus on patientera. Plus la foi nous manque, plus on aura dans l'incapacité de surmonter tous les problèmes et toutes les difficultés. Et c'est pourquoi, mes chers frères et mes chères sœurs, ce qui était éprouvé le plus, c'était qui? C'est les prophètes. C'est les messagers. Et celui qui a été éprouvé le plus, c'est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Depuis sa naissance, elle est née orphelin, son père. Le jour où sa mère elle a pris la décision de le ramener voir ses oncles à midi, et de son retour, elle perd sa mère. On arrête de parler au téléphone. Et au moment de la khutba, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de répondre au téléphone. On n'a pas le droit même de dire salam alaikum. Et on ne répond pas au salam. De même, on n'a pas le droit de croiser donc ses doigts. On n'a pas le droit de croiser ses doigts. Vous voyez bien donc le signe, c'est clair pour tout le monde. On n'a pas le droit de tirer sur ses doigts. C'est interdit lors de la Jumu'ah. C'est des choses qui annulent la Jumu'ah. Donc on est censé être attentif. Et on est censé regarder, observer donc le khatib. Il a perdu donc son père. Il a perdu sa mère. 2 ans après, il perd son grand-père. Il a été éprouvé. Il a perdu l'ensemble de ses enfants dans sa vie. Tous ses enfants, ils étaient décédés du vivant du prophète, alayhi salatu wasalam, à l'exception de Fatima, radiallahu anha, qui est décédée 6 mois après sa mort. Mais même pour Fatima, il savait qu'il va le rejoindre le plus tôt possible. C'est ce qu'il lui a confié un jour quand lui-même il était malade sur le lit de sa mort. Il lui a dit, je t'annonce. Et parmi les choses qu'il lui a annoncé, il lui a annoncé une bonne nouvelle, il lui a annoncé une mauvaise. Et parmi ce qu'il lui a annoncé, il lui a dit que tu seras la première de ma famille à me rejoindre dans l'au-delà. Et c'était le cas 6 mois après donc la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, Fatima l'a rejoint. C'est comme si elle a vécu avec toute sa famille en les perdant un après l'autre, de son vivant, salawatullahi wa salam alayhi. Et tout cela, il l'a supporté. Il a toujours fait preuve de patience, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui accorde sa victoire, subhanahu wa ta'ala. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الخلق وسيد الأنام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد أيها المسلمون، قلت في هذا الحديث دروس وعبر، والمؤمن إذا ما استمع إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسعه إلا أن يأخذ من هديه وأن يقتبس من أثره وأن يعمل به حتى يهديه الله عز وجل صراطه المستقيم. J'ai dit dans ce hadith, on tire énormément de leçons qui nous permet d'emprunter cette voie de droiture. Je termine, mes chers frères et mes chères sœurs, par une histoire parmi l'histoire de nos prédécesseurs qui montre à quel point nos prédécesseurs, face à l'épreuve, en bien comme en mal, il faisait preuve de patience. Et il ne cessait de remercier Allah Azza wa Jalla. J'avais donné l'exemple de notre prophète, alayhi salatu salam, et les exemples, ils sont nombreux. Je vous donne l'exemple de celui de Urwa ibn Zubayr. Urwa qui est le fils de Zubayr ibn al-Awwam et de Asma, radiallahu anhumah. Radiallahu an jami'i sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. عروة بن الزبير كان قد أصابه مرض، هذا المرض يعني مثل ما يسمى اليوم بالسرطان، يسمى عندهم أنذاك بالأكلة التي تأكل يعني وتتسرب في الجسد، فأخذت في قدمه وصارت تنتشر. فقال له الأطباء لا بد من بتر القدم. قال لا بد أن نقطع القدم. قال إن كان ولا بد ففي الصلاة. قالوا لا بد وأن نضع لك مسكنا. قال أستحيي، قال أستحيي أن يكون في وقتي، يعني في حياتي وقت لا أذكر الله عز وجل فيه. إن كان ولا بد من بتر القدم، قال اقطعوا قدمي وأنا في الصلاة وأنا أصلي. فدخل في الصلاة والطبيب يقطع قدمه ولم يسمع له صوتا ولا صريخا إلا أنه كان يقول سكي سكي من شدة الألم من شدة الألم، ومع ذلك لم يضجر. وكان الخليفة الأموي أنذاك يراقب ويحضر، قال ما رأيت رجلا أصبر منه. فلما قطعت رجله وصار الدم ينزل منه ينزف نزفا نزفا، وضع الزيت المغلي على قدمه حتى يبطئ من سيلان الدم أو يوقف سيلان الدم، فأغمي عليه. ولما استيقظ، وكان ذلك هو في التشهد الأخير في صلاته، فأغمي عليه، فلما استيقظ واصل ذكره لله جل وعلا. حينما عاد إلى المدينة استقبله ممن استقبله ابنه، فتألم ابنه لما رأى من حاله، فصعد إلى سطح البيت وهو يبكي، فسقط من أعلى السطح فمات. فجاءه الناس يعزونه، قالوا ما ندري أنعزيك في قدمك أم نعزيك في ابنك. فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت أخذت فلكم أعطيت، إن كنت يا رب قد أخذت فلكم أعطيت، وإن كنت ابتليت فلكم عافيت، لي أطراف أربعة، يدان ورجلان، أخذ ربي منها واحدة وترك ثلاث، ولي أبناء أربعة، أخذ ربي منهم واحدا وترك ثلاثة. هكذا كان صبرهم، وهكذا كان رضاهم عن ربهم، وهكذا كان احتسابهم في الله ولله جل وعلا. Je disais cette histoire de Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu, le fils de Zubayr, qui est l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Il avait été touché par une maladie à l'époque qu'on peut donc identifier donc au cancer aujourd'hui, une maladie qui progressait rapidement et qui pouvait du jour au lendemain toucher la totalité du corps. Donc au départ c'était au niveau donc de son pied. Le médecin donc il a jugé que c'était utile de lui couper le pied, sinon donc cette maladie va contaminer la totalité du corps. Urwa ibn Zubayr leur dit: il n'y a pas de problème, vous la coupez. Ils lui disent: il va falloir t'endormir. Il a dit: non, je n'ai pas l'habitude de ne pas évoquer mon Seigneur, et je ne veux pas me retrouver dans une situation où je n'ai pas la possibilité d'invoquer et de prier mon Seigneur. Vous allez la faire alors que je suis en train de prier, vous me coupez le pied au moment où je prie. Et il prie, il commence à couper avec les méthodes de l'époque, sans qu'il soit anesthésié. Donc il ressent toutes les douleurs. Et ils n'ont rien entendu sur sa part, si ce n'est hassi, donc un semblant de cri qui reste tout sans gêne, ni pour le médecin, ni pour ceux qui l'entouraient. Et ils continuent à prier. Quand ils lui ont coupé le pied, ils ont mis donc de l'huile brûlée sur son pied pour empêcher le son, pour faire arrêter le son. Il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a continué sa prière. En rentrant chez lui, son fils le voit dans cet état. Il monte à la terrasse, il commence à pleurer, il tombe de la terrasse, il meurt. Donc les gens viennent donc présenter leurs condoléances. Ils lui disent: on ne sait pas, est-ce qu'on présente nos condoléances pour ton pied coupé ou pour ton fils décédé? Il leur dit, il remercie Allah Azza wa Jal. Il dit: si ya Allah, si aujourd'hui tu m'as retiré quelque chose, combien de fois tu m'as accordé? Ya Allah, si aujourd'hui tu m'as éprouvé, combien de fois tu m'as donné la bonne santé? J'ai 4 membres, je n'ai perdu qu'un seul, il me reste 3. Et j'avais 4 enfants, j'ai perdu 1, il me reste 3. je suis patient et je demande la miséricorde auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'était ça l'attitude donc des prédécesseurs, de vouloir dans la vie de ce monde gagner auprès d'Allah Azza wa Jalla face à l'ensemble des épreuves. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.